dit un jour, sous le soleil de la route, qui a collé nos lèvres, séché nos mots d'hier et toujours. Parti sur ce chemin où je t'avais dit tout ce qu'on pourrait faire. La dernière qui jouait à courir dans la lumière, plus fière de rien. Le seul chemin qui nous reste, c'est la poussière. On sait bien que le soleil se lève à l'autre bout de la terre. Traverser des montagnes, des forêts, des déserts. La dernière qui dormait sur ton sein dans la lumière. Je sais bien que nos rêves sont loin derrière, mais je vois pas bien comment y faire. Voyageur de nulle part, sans plus d'endroit où revenir. Nos nuits sous les étoiles, ça vaut mieux que de mourir, plus fier de rien. Le seul lit qui nous reste, c'est la poussière. On sait bien que le soleil se lève à l'autre bout de la terre. On s'est perdu un jour, nous et les autres hommes, au détour d'un discours, juste un oubli en somme. On sait bien que le soleil se lève à l'autre bout de la terre.